おべたにまぼこC'était maman qui dit mon bimba. Et au numéro 9, Samuel et Tomélé. Anissa Sabrata, Yanni Boka Motika. Ote Finga. Anissa Sabrata, Yanni Boka Motika. Paraketa Sabrata, Bissota, Limane. Tu parles en Paki. Koko Brata, Manoki. Yanni Boka Motika. Anissa Sabrata. Chacun sa vie, l'hypocrisie, la jalousie, on sort jamais par la vie. L'amour et la haine, la vente de paix. L'amour qui a vu au enfer. L'autre sans l'une à l'autre, on le fait. L'autre là, l'autre là. À quoi ça sert? Tout ce que l'on perd, il n'y a rien à faire. La terre est mon repère. L'autre là, signé mon part. Laurent Lorenzo, ouais. Yamaloyo, yaka bena litaka. Toko motale na makamango bena likolo. Ah, oda mutemona. Yeah.